Jeudi 18 octobre, 21h30. Des prisons et des rats. La prison est notre bien commun, aussi bien pour nous les taulards que pour nos geôliers. Nous baignons ensemble dans une eau crasseuse, et je ne raconte pas l'odeur. Nous en sommes tout imprégnés. Ensemble, dans ces galeries, comme des nigris, nous œuvrons au cœur d'un siècle industriel. Nous produisons. Nous fabriquons, nous sécrétons, nous suons, nous pétons, nous fumons. Nous nous autoproduisons. La prison est une fabrique. On y importe ici et on raffine de la canaille, comme ailleurs on extrait le charbon. Au sein de ces indes noires, des hauts fourneaux excrètent des déchets, de la merde, de la chienlit. Nous sommes ces déchets, cette merde, cette chienlit. Nous sommes ces scories, tout brûlons encore. La prison nous fabrique et la chaîne. Elle nous vomit et c'est nous qui la nourrissons. Nous sommes les fruits de ses entrailles. Nous sommes ses artefacts, ses écailles et sa nourriture en même temps. La gamelle pour les uns, le salaire pour d'autres, le gîte et le couvert pour ses rats et ses blattes. Nous sommes ses enfants, elle est notre mère à tous, notre matrice. Elle m'écœure, et en même temps je l'aime. Je l'aime parce qu'elle veut bien de moi. Elle me protège et elle me couve, comme elle me digère et m'enlève la peau. J'en ai la chair mise à nu. Et elle seule à présent, elle seule est ma seule carapace. Je l'aime et pourtant je la hais. En même temps. Plus je l'aime et plus je la déteste, mauvais fils que je suis. Elle est devenue ma prison, je suis son prisonnier. Ce matin, un détenu corse qui patientait avec moi dans la salle d'attente du SMPR, le centre médico-psychologique, la salle d'attente réservée aux pointeurs, m'a demandé si je savais si les baumettes avaient été construites pendant la guerre pour y enfermer les juifs. Je lui réponds que je l'ignorais, mais qu'à mon avis, c'est pas pour ça. Les baumettes ont été construites en 1933, et dès le départ dans le seul but d'être une prison destinée à des détenus de droit commun. J'ai trouvé son raccourci étonnant, entre la détention des juifs et le sort des bandits qui nous est réservé. Quelle idée saugrenue! Peut-être, me suis-je dit, est-ce parce qu'il est corse? Peut-être considère-t-il sa détention sur le continent comme une déportation? Et en plus, le gars, c'est pas un prisonnier politique, pas un poseur de bombes. Non, c'est un pointeur du deuxième Nord. Je sais pourquoi il est là. Peut-être y en a-t-il au Baumettes, ou y a-t-il eu des détenus politiques? Mais pas ici, pas au bâtiment A, et encore moins au deuxième Nord. Pas chez les isolés, on l'aurait su. Comparer les Baumettes à un Konzentrationslager. Quelle drôle d'idée vraiment.